T'as des questions sur le sujet? Et voici des questions, on continue ma conférence en répondant aux questions. Je ne sais plus pourquoi je me mets là, ou je peux plus. On parlait toujours de la fusion avec le double. Alors, cette fusion, donc pendant que tu joues aux cartes, je vais continuer. Allez. Tu lèveras la main. Oui. Ok. Bon. Vas-y. Déjà. Ne sommes-nous pas plutôt le double de notre double éthérique et qui attend que nous soyons moins cons pour se tarifier en nous? C'est presque ça, mais ce n'est pas ça. Mais c'est intéressant. Disons qu'il y a un emboîtement. Il y a une prise mâle, une prise femelle, comme d'un prise courant. D'ailleurs, ils ont inventé l'électricité spécialement pour qu'un jour on puisse se servir de ça comme exemple. Ah, les prises mâles, les prises femelles. On peut penser que du monde supramental, l'esprit va engendrer une forme qui aura une consistance et qui doit venir se connecter à l'homme. Sauf qu'elle ne peut pas toucher l'homme sans faire brûler l'homme. Lorsque vous regardez le soleil, sans lunettes de soleil, ça crée des problèmes. Lorsque certaines personnes découvrent subitement quelque chose, ça crée des problèmes. Vous apprenez la mort d'un être que vous aimez. Ben voilà, c'est une dose d'énergie qui peut carrément vous bousiller. Il y en a qui vivent des accidents et puis qui, ça leur prend plusieurs années avant de s'en remettre. Bon, question d'énergie, quand on parle de détruire, ce ne sont pas des destructions, mais ce sont des altérations. Alors, l'esprit recherche l'homme, mais l'esprit n'est pas assujetti au temps. C'est pourquoi l'esprit est patient. Vous savez, quand on dit Dieu est patient, on devrait être patient comme lui. On peut pas être patient comme lui. Dieu est pas pogné dans le temps. Il peut pas être pressé non plus. Bon, tandis que l'homme peut être pressé. Alors, l'esprit est patient, c'est-à-dire que l'esprit ne connaît pas le temps. L'esprit, il est là, et il est là à l'ère précambrienne, il est là à l'ère du Néandertal, il est là à l'ère d'aujourd'hui, il est là à l'ère de l'homme nouveau, il est là en même temps dans tous ses temps. Donc, il peut pas être pressé. Ce phénomène espritique qui attend que l'homme soit prêt pour pouvoir venir s'asseoir dessus, de façon à avoir un corps matériel, celui que vous construisez présentement, solidifié par votre code ADNique, par votre code génétique. Lorsque ceci s'approche de l'homme, bien, ça ne peut pas toucher l'homme. Alors l'homme doit bâtir quelque chose qui pourra aussi aller servir au côté. Lequel est femelle, lequel est mâle, comme vous voudrez. Alors il y a quelque chose qui monte, qui doit aller chercher l'homme. Ça, c'est le double éthérique. Le double éthérique, il a deux fonctions primordiales. La première, permettre à l'entité personnifiée ou identifiée, prenons les termes que l'on voudra, mais disons une entité pure, bien coordonnée, anémotif, anégoïque, une réplique vitale qui peut construire un corps physique qui sera, dès sa construction ou dès sa naissance, parfaitement apte à supporter le contact avec l'intelligence supramentale, c'est le double éthérique. Le double éthérique va donc préserver l'entité réelle de l'homme lorsqu'il meurt pour l'empêcher de pénétrer le monde de la mort. Et il va aussi servir de véhicule dans le monde supramental. À cette étape de l'évolution, on appelle cela vivre une bilocation. L'être humain vit une quadrilocation, c'est-à-dire que l'être humain vit dans quatre dimensions planétaires. Dans la dimension matérielle, dans la dimension vitale, il est fatigué, il est en forme, il doit dormir, il vit. Dans la dimension astrale, il est émotif, il a des désirs, il a des souffrances. Dans la dimension mentale, il est logique, conséquentiel, et souvent, sa logique, son mental lutte contre son émotion. Il sait qu'il ne devrait pas faire une chose, mais en même temps, il en a le goût, etc. Lorsque l'être humain arrive à faire une fusion avec son double éthérique, il va évidemment fusionner énergétiquement, dans un essence, disons, espritique, les quatre corps planétaires pour en faire un. Alors, il ne sera plus capable, à cette étape, de manger pour nourrir sa psychologie. Il ne mangera que pour nourrir son corps physique. Bon, on en a déjà parlé un petit peu. À ce niveau, il a un double éthérique et la fusion, le contact commence entre le double et lui, son double et lui. Il va être ajusté par l'ajusteur de pensée de façon à laisser le temps à l'âme de devenir de l'énergie vitale, donc à l'homme de s'anégoïser. Le double éthérique permet une bilocation à ce niveau, c'est-à-dire que l'homme va vivre dans deux plans. Ça peut être extrêmement difficile à comprendre. Vous ne rêverez plus dans le monde de la mort, dans le monde astral, les annales akashiques planétaires, Mais pendant le sommeil du corps, vous allez simplement faire un travail dans le monde supramental, c'est-à-dire que vous allez faire ce que le Nazaréen faisait avec lorsqu'il dormait ou lorsqu'il priait. Il était en communication avec de l'énergie. Et lorsque l'être humain a un double éthérique, il vit cette bilocation, et lors de son sommeil, il travaille au niveau de son double éthérique, dans le plan orontiel et dans le plan supramental. Du plan supramental provient une forme éthérique, réplique du double éthérique planétaire, donc un peu dans le sens de la question, qui justement attend que l'homme bâtisse un double éthérique qui pourra venir rejoindre cette chose, son esprit. La question, elle est vraie et elle est fausse. L'homme doit faire un chemin, le reste est déjà là. Sauf que l'homme, quand on dit nous sortir de notre connerie, on ne peut pas sortir un être con, et quand on parle de con, c'est pas péjoratif, un être ignorant, un être à un niveau où il ne peut pas comprendre les choses, on ne le sort pas de son marasme, on le mute, on le transforme. Le transformant, l'être qui ne comprenait pas, n'existe plus, il n'est plus là. Il aura l'impression d'être là dans la mémoire constitutionnelle de l'homme, mais cet homme ne sera plus là. Lorsque vous étiez jeune, il y a des choses que vous ne compreniez pas. Aujourd'hui, vous les comprenez. Si on vous remet enfin dans le même état que vous étiez, vous ne comprendrez pas plus. C'est ce qui arrive. Alors l'homme grandit, il s'anégoïse à un moment donné, et c'est pourquoi l'être humain qui se conscientise souffre de plus en plus, un peu plus, de façon bizarre et suspecte des fois, pathologiquement comme événementiellement, ça dépend des êtres humains. Il y en a qui vont dire, ben non, moi je me conscientise, ça va bien, mais j'ai pas de problème. Ceux qui disent ça, checkez-vous en vache. Quand une personne est convaincue, la personne qui se conscientise, pas celle qui se spiritualise. Spiritualité est un mot galvaudé. Moi, je prononce espiritualité lorsque je veux parler des phénomènes de l'esprit. Parce que la spiritualité, dans la majorité des cas, c'est un trip dans le monde de l'astral, un trip d'espoir et de croyance. Peut-être pas dans tous les cas, dans la majorité des cas. Il y en a qui font de la spiritualité à coup de hashish, etc. C'est de la spiritualité. Il y en a qui font de la messe noire, il y en a qui passent leur vie à méditer sur le coin de la rampe de leur balcon. C'est de la spiritualité. Il y en a qui vendent tout ce qu'ils ont, qui vendent même le femme et les enfants ou le mari, qui lâchent le job, qui rentrent dans une secte, qui pillent. Bon, c'est de la spiritualité. Faut attention avec, bon. Conscientiser, ce n'est pas spiritualiser. La spiritualité vous amène la foi. Ayez foi qu'un jour vous comprendrez. S'il vous plaît, comprenez pas. C'est la spiritualité. Parce que l'être humain ne peut pas comprendre dans la spiritualité. Vous ne pouvez pas avoir foi. Si vous voulez vous conscientiser, vous ne pouvez plus avoir une foi aveugle. Parce que si, en ayant une foi aveugle, le chemin que vous suivez est faux, et jamais vous ne le saurez. L'être humain doit avoir une foi qui doute. Et là, on va dire, ouais, mais si je doute, je suis la foi. Si tu doutes, tu vas comprendre. Si tu comprends, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, j'expliquais qu'on peut accomplir les lois sont de Dieu, par peur du courroux de Dieu. On appelle ça un homme savant, comme un chien savant. Le chien savant, il amène les pantoufles pour avoir le gâteau et pour pas manger de tarte. Alors on peut ne pas voler, ne pas tuer pour aller au ciel, pour le gâteau, ou pour ne pas aller en enfer, pour ne pas avoir les tartes. Mais on peut aussi ne pas le faire, parce que si Dieu ne l'aurait pas dit, on pourrait le prescrire. Alors là, on devient divin. Faut comprendre. Effectivement, donc, il y a une chose qui provient du plan supramental, c'est votre esprit. Il n'est pas à votre recherche, vous êtes là. Donc, il vous a trouvé depuis belle durée, et même un peu avant. Il attend. Il attend quoi? Rien. Il est là. Et l'homme, dans son anégoïsation, crée ce double éthérique qui va lui permettre cette bilocation. Contact direct avec l'esprit. Vous appelez ça Dieu, si vous voulez. Parole anégoïque. Qu'est-ce que c'est qu'une parole anégoïque? Ça veut dire que lorsque vous aurez le contact, personne ne le saura. On va pas s'inventer. Allez vous inventer, c'est pas un contact. Il y a peut-être un petit peu de contact. À un moment donné, l'ego coupe tout. Il y a beaucoup d'humains qui, à un moment donné, ont une illumination, ça devient génial, et on dirait que, voilà, le reste de leur vie, ils n'en ont plus. Trop fiers, trop contents. Un jour, vous allez avoir une réponse à vos questions. C'est-à-dire que vous allez poser des questions, et vous allez poser des réponses. Et quand ce jour-là va arriver, et que vous allez poser une question extraordinaire, juste de même pour le fun, puis qu'en même temps, embarqué dans l'élan vocal, vous allez amener une théorie niaiseuse pour expliquer la question, puis en vous écoutant parler, vous allez comprendre que merde, ce que je viens de dire là, mes frères, c'est ça. Mais vous allez avoir la chair de poule. Il y en a qui vont trembler, il y en a qui vont rire, il y en a qui vont aller se coucher en dessous de couvercle, si possible entre les deux matelas. Parce que lorsque l'homme atteint ce que l'ego recherche, souvent l'ego refuse la chose. J'ai passé ma vie à vouloir être riche. Maintenant que je suis riche, je peux plus passer ma vie à vouloir être riche. Ça fait que j'ai plus de raison de vivre. L'homme recherche quelque chose, puis lorsqu'il l'a, il n'y en a pas. Faire attention, puis je vous avertis, un jour, vous serez et vous saurez. Vous allez poser une question, et il y a une bébite que l'ego ne connaît pas, mais qui est vous, qui va simplement répondre. Vous allez dire, ouais, mais c'est moi qui ai répondu. Et oui, ça va être vous. Oui, mais comment c'est ça que j'ai répondu ça, je le connaissais pas. Non, là, c'est l'ego qui parle. L'ego ne le connaissait pas. Ouais, mais je le sais. Oui, c'est le mental qui parle. Et bien souvent, ça arrive quand vous parlez. Vous êtes deux à parler en même temps. Ouais, mais je devrais faire telle chose. Mais c'est ridicule, ça me tente pas. Puis en plus, c'est épeurant, puis... Alors, c'est sûr que c'est bon pour moi, mais je vois pas pareil. Deux parlent. Et ça l'arrive fréquemment et souvent. Oh, je devrais pas m'occuper de ce gars-là. Mais qu'est-ce que si vite? Mais bon, deux parlent. Continuellement. C'est comme le gâteau et la pomme, hein? Je prends-tu la pomme ou le gâteau? C'est évident que je prends la pomme. Bon, le gâteau. Hein? Les deux. Mais à un moment donné, ces deux-là vont être drastiques. Vous allez évoluer encore plus, vous allez vous rapprocher de votre esprit. Maintenant, on a encore mangé un peu plus de crotte. Alors, à un moment donné, vous allez dire, moi, je vais prendre le gâteau. Et vous allez, la main va prendre la pomme, et puis vous allez bouffer la pomme, puis la trouver peut-être même pas bonne. C'est quoi se passer? Mais l'être humain peut faire bien des choses. Alors, vous savez que l'être humain ne pouvait pas voler dans la cité. Aujourd'hui, il vole avec des avions. C'est aussi fantastique, il va même sur la Lune. Il va dans l'espace, ça ne suit pas, il s'amuse. Huitième question. Comme ça, on les pose, on la pose. Comment sait-on qu'on a un double? Est-ce que nous avons tous un double éthérique? Comment se recharger d'énergie quand on demeure dans une grande ville où il n'y a pas de forêt dans les alentours? Comment sait-on qu'on a un double? C'est pas compliqué, vous avez un double. Le seul problème qu'il y a, c'est de savoir quel est l'état du double. Plus ça vous intéresse de savoir quel est l'état du double, sachez que moins l'état est bon. Et cela est vrai, fondamental, réel. Inéluctable. C'est comme le disciple qui demande au maître. Mais quand serais-je aussi bon que vous? Et le maître répond, tant que tu poses ces questions-là, tu seras pas aussi bon que moi. C'est évident. Hey, penses-tu que j'ai encore de l'ego? Alors, plus ça vous intéresse égoïquement de savoir quel est l'état de votre double sauveur, c'est que vous avez beaucoup d'ego. Plus vous avez d'ego, moins il est là. D'accord? Comment se recharger d'énergie quand on demeure dans une grande ville où il n'y a pas grand forêt aux alentours? Le problème n'est pas là. Et si la forêt ne vient pas à toi, va à la forêt? N'est-ce pas? Précurseur de Lagardère? À l'envers? Mais j'ai fait des conférences sur l'énergie. On doit cesser de perdre son énergie bien avant de penser à la rentrée. Faites une expérience très simple. Prenez une perceuse à main, préférable. Faites un trou dans votre réservoir d'essence. Un trou peut-être comme ça. Hein, un pouce de diamètre. Et puis après ça, essayez de le remplir. Ça va vous en coûter de l'énergie. Et là, vous allez dire, oui, mais il manque d'essence. Il manque pas d'essence. Il y en a en masse d'essence. Bouche le trou. Simple. L'homme perd son énergie en mangeant des choses qu'il assimile mal, en travaillant avec des humains avec lesquels il se fait têter. Certains vont dire, oui, mais dans où je travaille, j'ai pas le choix. Non, non, non. Je parle de la relation, je ne parle pas de ceux qui vous entourent. Certains ont le périsprit, l'enveloppe de l'âme, mais ils sont facilement influençables. Oui, ils vont apprendre à l'épaissir. Ils vont devenir plus épais. Ouais. Et ils vont se faire traiter d'épais. Parce que le terme épais est parfait. Vous savez, vous êtes dans votre bureau, continuellement le voisin met ses pieds sur votre bureau, vous dites jamais rien, vous êtes pas épais. Pas pour lui. La journée que vous placez, vous décidez d'acheter une planche de fakir, mettre ça là. Puis là, il va vous demander de la tasser. Vous dites, je peux pas la tasser, je l'ai cloué. Il va vous gratter tes pets. Il va falloir qu'il mette ses pieds sur l'autre bureau. Mais vous, vous êtes moins influençable. La personne manque d'énergie, elle doit bien s'alimenter, elle doit cesser de perdre de l'énergie. J'ai fait suffisamment de conférences. Je déteste me répéter dans des grandes choses au niveau des réponses des questions. On peut vérifier ce genre de conférences. Par la parole, on en perd énormément. Par la conviction qu'on est assujetti aux autres, on en perd énormément. Par le fait de vouloir absolument être à la mode, d'être bien vu par l'entourage, on en perd, mais c'est écœurant. Et puis après ça, on pose la question, comment la remplir? Il y en a encore suffisamment dans la ville, faites-vous-en pas. Il y en a même énormément dans la ville de Montréal. Il y a énormément d'énergie vitale, énormément d'énergie supramentale, et c'est pourquoi d'ailleurs ça se passe présentement à Montréal. D'ici quelques années, ça va migrer vers les Laurentides. La forêt, il en faut, il y a le Mont-Royal. Ça ne pourra rien qu'une montagne en plein milieu de cette île. Trouvez-en une île où il y a une ville avec une montagne. Sur la planète. On ne rentre pas dans le symbolique, là, mais je vous dis simplement que vu que c'est là, profitons-en. C'est pollué, pas de problème. L'oxygène contient de l'énergie vitale. L'anhydride carbonique en contient aussi. L'anhydride sulfureux en contient aussi. La pollution contient autant d'énergie vitale que l'oxygène. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on en perd trop par le stress, par la collectivisation que l'on va subir et que l'on va accepter de subir. On rentre dans le métro, tout le monde marche vite, on ne peut pas s'empêcher de marcher vite, marcher lentement. Vous allez faire chier tout le monde? Parce qu'il faut accepter qu'il vous contourne, là. Marchez lentement. Moi, mais il me bouscule. Marchez lentement, faites comme je faisais quand j'étais jeune, rasez les murs. Prenez l'escalier. C'est plaisant, il y a 2-3 personnes dans l'escalier, puis il y a la grande filée jusqu'à l'embouchure du métro du 20 escaliers roulants. Prenez l'escalier. Oui, mais à mon âge, raison de plus pour se mettre en santé. Les enfants nouveaux qui naissent depuis 76 sont-ils des gens qui ont créé leur double, sont morts et attendent le moment pour revenir sur Terre? Je voudrais savoir si j'ai perdu de l'énergie vitale pour constituer mon double en donnant la vie à 2 garçons et d'un avortement spontané de 9 semaines. Je voudrais que tu parles de l'énergie en plus que les femmes ont dans la vieillesse à cause des grossesses. Cette énergie, en plus, peut-être m'aider à constituer mon double. Bon, faire attention. L'énergie vitale est distribuée sur plusieurs plans. Il y a des mots pour différencier les plans, des mots qui sont tirés de la théologie. La théologie, à l'époque d'Abraham, était pas mal bien. Donc, pas bien aujourd'hui, mais je veux dire, au niveau quand on sortait des choses neuves. Alors, il y a le séraphin. Il y a une enveloppe périphérique, il y a une enveloppe ajusteur de pensée, forme d'ange gardien. Il y a 2 formes d'enveloppe chérubinique, une yin, une yan. Il y a une forme d'enveloppe séraphique ominale. Il y a plusieurs formes d'énergie vitale. Alors, la femme, lorsqu'elle enfante, l'énergie vitale qu'elle perd, c'est l'énergie vitale qui va gérer son corps physique. Mais ça n'a rien à voir avec la création du double éthérique. C'est l'anégoïsation qui entraîne la création du double éthérique. Certaines personnes, et ça c'est un danger intéressant. Il y a des personnes qui travaillent bien, et qui s'anégoïsent, qui deviennent correctes, créent un double éthérique. Et le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, les forces d'évolution, le monde astral s'arrange pour donner un poste à cette maudite personne, pour lui donner un poste psychologique. Par exemple, vous vous anégoïsez, ça va bien, vous devenez correct, tout marche. Là, à un moment donné, la voisine, elle descend chez vous, puis elle vous trouve donc beau aujourd'hui. Là, l'astral manipule les voisins pour vous donner un poste. On veut faire de vous un maître. Là, vous allez tenter de vous anégoïser. Et en plus, têté par les autres, vous risquez de reprendre l'énergie du double éthérique pour vous. C'est pour ça que je dis, vous ne devez pas accepter d'être missionné, vous ne devez pas accepter d'être des guides, des maîtres, des ceci ou des cela. Contentez-vous d'être ce que vous êtes. Le grand maître suprême, il marche dans la bouette. Et puis la petite grenouille passe à côté, puis quand le grand maître suprême, il clabousse la grenouille, il arrose la grenouille, puis il l'empêche de mourir, d'hydrater par le soleil. La grenouille dit, ah, le sauveur est passé. Mais le grand maître suprême, il continue à marcher dans la bouette, puis s'en va, et la grenouille, il l'a même jamais vu. Sortez d'être écologique. Faites ce que vous avez à faire. Et nécessairement, ça donnera des résultats à l'extérieur. Mais ne travaillez pas pour les résultats à l'extérieur. Habituellement, l'humain sait qu'il évolue selon les résultats. Un cercle, c'est parfait pas parce que c'est grand, parce que c'est rond. Alors, on n'a pas besoin d'un immense cercle pour dire j'ai un grand cercle. La perfection d'un cercle, c'est pas sa grandeur, c'est sa parfaite rondeur. Alors, c'est ce que vous devez vivre. Simplement. Le poste. On vous donne un poste. Et là, vous faites péter de l'énergie et vous risquez de récupérer votre double éthérique. Le double se fait par la négoïsation et non pas par l'énergie vitale de la femme. La femme, au niveau de l'ovulation, au niveau de l'anovulation, lorsqu'elle est ménopausée, ou simplement parce qu'il y a une mutation, disons, bloquante au niveau de ses menstruations, elle accumule de l'énergie vitale qui pourra lui permettre une longévité intéressante, qui pourra lui permettre moins de maladies, plus de solidité, et c'est d'ailleurs ce que la femme vit. Mais ça n'a rien à voir avec la création du double éthérique. Par contre, ça a tout à voir avec la création d'un corps physique qui pourra supporter du vivant du corps le contact avec l'ajusteur de pensée et l'énergie supramentale, donc l'esprit. Mais ça n'a rien à voir avec la création du double éthérique. Celui-ci va se créer à partir de la projection dans le plan moronciel de l'énergie vitale engendrée par la densification de l'âme et de l'ego. Lorsque les forces d'involution ont instruit l'homme que l'homme devait sauver son âme. À l'époque, c'était vrai. Aujourd'hui, l'homme doit laisser la place à l'esprit. L'âme doit décoller. Ça me nuisait. Et là, il y a création du double éthérique. En réalité, l'âme n'est pas détruite, elle est transmutée. Et l'esprit prend la place. Essayez d'imaginer. Vous fonctionnez avec vos mémoires, avec votre expérience, avec vos désirs. Plus souvent, on a de l'inefficacité adaptative, c'est-à-dire qu'on s'adapte à être inefficace, puis on finit par appeler ça de l'efficacité. Si j'ai réussi quand même 15% de ce que je voulais faire, c'est quand même bon. C'est ça. L'inefficacité adaptative. Bon. Essayez de prendre simplement cette âme, ce que vous êtes vous, et transmutez ça en quelque chose qui sait tout. Instantanément. Qui sait tout, mais qui ne veut pas changer les choses. Et qui ne souffre pas de laisser les choses telles quelles. Et ça, l'esprit. Parce que l'homme va dire, bon, parce qu'on a des questions de temps en temps, comment puis-je faire sans m'égoïser, pour obliger l'ego d'un autre à évoluer? J'ai déjà eu ça comme question. J'ai pas réussi à répondre, j'ai trop ri. Bon. C'est un peu le phénomène. On laisse les choses aller. Marchez dans la boîte, il y a qu'à vous éclabousser. S'il y a un crapaud en train de sécher au soleil, vous le sauverez. S'il a décidé de venir sécher au soleil, 2 heures avant que vous passiez, il mourra. Vous, vous passez, vous faites votre chemin. C'est ce qui se passe. Le Nazaréen, il est descendu, il est parti. Hein? Ce qui déchire l'ego, comme la maladie, les divorces, les mortalités, les échecs et toutes les frustrations, sont-elles là pour porter l'évolution d'un individu? Les gens qui ont traversé la Deuxième Guerre mondiale sont-ils plus évolués que s'il n'y avait pas eu de guerre? Les gens qui ont traversé la Deuxième Guerre mondiale ont eu des enfants plus évolués. Quand on parle d'évolution, je répète que l'évolution, il est matériel, atomique, subatomique, énergétique. On ne peut pas parler de l'évolution d'un individu. Regardez ceci. Vous rencontrez un jour une personne évoluée, ça transpire. Bon. Elle marche sur la rue, elle laisse des gouttes d'évolution partout. Et puis, il y a plein de personnes qui suivent avec une coupe de paille pour essayer de ramasser un peu des gouttes humaines. Bon, c'est de l'évolution. Cette personne, elle est pure. On voit presque à travers. Bon. Elle transpire les odeurs de rose. Comme. Et lorsqu'elle expire dans votre face, elle vous fait évoluer parce que vous respirez son air. Bon. On en trouve quelque chose comme ça aux Indes, là. C'est parce qu'il y a beaucoup de drogue, hein. C'est pour ça que le fou respire son air et bon. Et puis, cette personne, elle a une sagesse, elle a un savoir. Elle n'est pas altérable. On l'invite pour rencontrer le président des États-Unis. Elle se présente à sa porte. Le président est à une conférence de presse. On demande à la personne d'attendre. Ça va prendre 1 heure ou 2. Et la personne, elle répond, non, le président, il vient, il me rappellera, il s'en va. Bon. Elle est parfaite. Elle a des enfants. Son premier, il est une gang différente. Bon. Son deuxième, il est passé par la cigarette, la drogue, la musique. Puis il est rendu comptable. Qu'est-ce qu'il trouve de leurs parents? C'est un beau début, mais il aime ça que le monde le suit. Bon. Et puis la personne pure, elle meurt. Les enfants ont toute leur job à refaire s'ils veulent refaire quelque chose. Cette personne n'était pas évoluée dans le sens cosmique du mot. Elle était évoluée dans l'illusion exprimée dans l'apparence aux yeux de l'homme. C'est ça, l'évolution. L'évolution, ça ne se perd pas quand le corps meurt. Oui ou non, on vient de perdre une personne extraordinaire. Elle n'a jamais été réellement extraordinaire. Elle l'était aux yeux de l'homme, pas au niveau cosmique. Vous êtes cela, vous avez des enfants, les enfants grandissent rapidement, génétiquement, vous leur avez transmis, là, il y a de l'évolution. Alors donc, les gens qui ont traversé la Deuxième Guerre mondiale, lesquels étaient évolués? Une personne peut être en colère, colérique, avoir peur de n'importe quoi. J'ai rencontré des personnes qui avaient encore des tatouages. J'ai même dû aller en chercher à l'époque où je travaillais pour Urgence Santé, des personnes, des vieillards, qui étaient convaincus que la Gestapo tournait autour de leur maison. Alors, on arrivait en uniforme pour lui dire que c'est pas la Gestapo, mais qu'on veut l'amener à l'hôpital. Bon. Il veut pas venir, la police, elle vient. Puis, il demande. Tout est fait pour que ce soit exactement comme quand on l'avait amené à l'hôpital. À l'époque des nazis. Alors, c'est un homme en chure de fou, faut lui donner une injection pour l'endormir. Oui, comme ils ont fait aussi à l'époque. Il va essayer d'évaluer la torture psychologique, la souffrance astrale de cet individu-là. Puis, on peut pas le laisser là. La nuit, il se promène dans la maison en rampant, puis en tirant un peu partout. Bon, il faut le soigner, mais en attendant, on le détruit. Est-ce qu'il est involué? Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'il vit présentement. Ça dépend de la génétique qu'il a donnée. Ça dépend de sa génétique à lui. Mais ça ne dépend pas de son expérience, de l'expression. Il y en a ici qui se pensent extrêmement médiocres, mais qui, en réalité, sont drôlement plus intéressants cosmiquement qu'ils le sont aux yeux de l'homme ou à leurs propres yeux. Vous n'avez aucune idée réelle de ce que c'est que l'évolution. L'évolution, c'est pas d'être en paix, alors je l'ai dit. La personne, elle est en paix. C'est au bout, crève-y un œil. C'est non, mais c'est un fait. J'ai été voir des moines dans un monastère, mais c'est le paradis. Autre les murs. Plus de paradis. Alors, ils sont dans une illusion paradisiaque. Elle est utile, elle est constructive, elle est ascendante, elle est correcte. Mais ne pensez pas que eux vivent le bonheur. Eux vivent l'illusion, comme l'homme à l'extérieur vit l'illusion. L'évolution, ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas nécessairement, on ne peut pas décortiquer votre niveau d'évolution selon comment vous éduquez vos enfants, ou comment vous répondez à vos voisins, ou comment, etc. Ça n'a rien à voir. Par contre, on peut se servir des événements de votre vie pour vous obliger, vous allez vous obliger à comprendre de quelle façon vous restez assujetti et manipulé. Mais ça ne donnera pas le poids de la valeur cosmique que vous êtes. Il y a des personnes qui font les séminaires des anciens. De temps en temps, ils viennent me voir et me disent « Pourquoi à moi, on dirait que tu me réponds plus que les autres? » Ben, je dis « Ben, je te trouve intéressant. » Ouais, mais, tu sais, je suis chômeur, puis ça, puis j'ai perdu 3 blondes, puis bon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Énergétiquement, c'est ça. Et l'homme, souvent, ne sait pas ce qu'il est énergétiquement. Il sait ce qu'il est selon ce que les autres pensent qu'il est. Les autres ne savent pas qui ils sont, eux. Alors, ils savent encore moins qui vous êtes, vous. Mais on se fie juste là-dessus. Penses-tu que j'ai changé? S'il a changé en même temps que toi, il dit non. Puis s'il n'a pas changé pendant tout, il dit oui. Puis s'il a changé l'autre bord, il dit oui, mais un peu trop. Mais en réalité, c'est quoi? Marchez deux à la même vitesse en même temps, regardez-vous, vous allez penser que vous n'avancez pas ni un ni l'autre. Alors, comment on sait qu'on évolue? On regarde les cons qui évoluent pas, hein? C'est ça, tu sais, c'est à voir que t'avances, regarde l'arbre qui bouge pas, tu dis que t'avances. Tout est relatif et tout est faux. On ne doit pas toujours s'exprimer. Comment le savoir? Comment savoir quel niveau parle en soi? Ben simple. Quand on est juste pas assez vibratoire pour avoir un bon contact ajusté avec l'ajusteur de pensée, parlez, puis vous verrez les résultats karmiques sur vous. Vous auriez dû vous faire. Lentement, ça va vous former au niveau de la négociation. Quand ça se fait, le 2 éthérique prend suffisamment de puissance, l'ajusteur de pensée prend suffisamment de domination, et vous ne pourrez pas dire ce que vous n'avez pas à dire. Mais, on va s'arranger de temps en temps, et quand je dis « on », je parle de vos esprits, pour vous embarquer égoïquement dans de mauvaises situations. Un exemple. Ton fils, il se drogue, mais j'ai la solution. La personne dit, ah oui, c'est quoi? Voyons, maudit. Ça a l'air des mots du cage. Tu reviens dans le main. Ça y est, là je l'ai, là, c'est... De temps en temps, on va vous laisser juste vous mettre dans les plats. Puis là. Un exemple, un autre. Vous voulez faire une conférence? Votre rôle, votre fonction n'est pas de faire des conférences publiques. Eh bien, vous allez tout, on va vous laisser monter tout ce qu'il faut. On va vous faire louer la salle, vous allez monter ici, vous allez venir ici. Et puis là, vous allez perdre la parole. Ou bien vous allez divaguer. J'en ai connu un moment donné qui a fait une conférence dans un symposium. Et il disait noir quand il veut dire blanc, puis gros petit travers, puis il savait, puis il s'en rendait compte. C'est pas le fun. Pour l'ego. Alors, de quelle façon? On ne veut pas s'écouter parler. Il y a des personnes qui viennent ici qui s'attendent de temps en temps à trouver des solutions hyper compliquées, vous savez? Des solutions où on devrait grimper sur des montagnes quelque part, aller marcher sur la tête. Il y a de l'entraînement pour certaines personnes qui bâtissent des corps physiques, c'est bon. Mais l'évolution, c'est une science facile, facile, simple. Et l'être humain a besoin de grosses... L'être humain se dit, sache pas, tu sais, j'ai passé ma vie à tout faire pour avoir ça, puis là, on vient me dire que je vais ouvrir la porte. C'est voyons, non. Ça aurait été simple que ça, ça fait longtemps que j'avais ouvert la porte. Et la question que je peux poser, as-tu essayé de l'ouvrir? Ben non! Ça se peut pas! C'est trop simple! Essayez-le. Essayez-le. Mais la porte, il faut l'ouvrir, pas deux pouces. Essayez-le un bout de temps. Les solutions sont simples, les solutions sont faciles. Comment arriver à avoir un double éthérique? Observez-vous comment vous transpirez l'orgueil. Si vous pensez qu'il y a un orgueil juste, vous êtes très orgueilleux. L'orgueil, ça tue comme la mort, et ça projette l'âme dans le monde de la mort, dans le ciel. La solution, juste s'observer. Il y a des technicalités pour arriver à découvrir, pour arriver à discerner, pour arriver à faire ceci, à faire cela. Il y a des choses, à un moment donné, qu'on doit faire peut-être plus dans le vivant. La vie vous en amène. Il y a des moyens de faire des choses. Mais le gros chemin, il est simple. J'ai passé, moi, par aucune école, j'ai été nulle part, j'ai simplement fait ce que je faisais. Je me suis laissé traiter de fou, je me suis laissé traiter d'imbécile. On m'a dit souvent que ça se guérissait ce que j'avais. Et puis finalement, il y a plusieurs de ces personnes qui voulaient me guérir qui font le programme de contrôleur. Vous voyez comment on est fou. Comment se rendre compte qu'on a eu un contact avec notre double éthérique de notre vivant? Est-ce nécessaire qu'il est en fusion et que la fusion soit commencée? Nécessaire, oui. Important, non. Comment se rend-on compte qu'on a eu un contact? Vous avez eu un contact. Vous avez tous un ajusteur de pensée. Par la preuve, vous pensez et on ajuste. De temps en temps, on vous laisse aller dans les dédales des manipulations astrales. Puis à un moment donné, on vous fait juste prendre conscience un peu plus. Combien de fois pensez-vous que vous avez voulu faire bien? Bon, ben là, à partir de maintenant, là, tu sais, là, je suis tanné de ça, là, je vais, on ajuste. Mais vous n'avez pas encore nécessairement la puissance pour soutenir cela à moyen terme, et on finit par le reperdre. Avec le double éthérique, faut pas s'en faire. C'est évident que vous avez un contact avec votre double éthérique, mais le double éthérique, il est petit, il n'est pas encore suffisamment formé. Il n'est pas encore suffisamment formé pour la simple raison que l'homme a encore de l'ego. Ce n'est pas nécessaire de savoir si on a ou on n'a pas. J'explique ces choses-là ce soir, premièrement, pour instruire l'ego de ceux qui écoutent, ceux qui sont ici comme ceux qui n'y sont pas ici. Ceux qui vont écouter sur cassette, par exemple. Je fais juste donner de l'information de façon à instruire l'ego pour que lorsque ces choses vont arriver, et elles vont arriver, que l'ego ne prenne pas panique et se garrocher vers les vieilles traditions, vers la drogue, vers la musique, vers la boisson, pour essayer de se terrestrifier de façon à arriver à se déconnecter de ce contact. Ce n'est pas épeurant lorsque l'on connaît au niveau de l'ego. Mais une chose neuve qui apparaît dans le monde de l'homme est quelque chose de dur. Il y en a qui ont vécu cette nouveauté sans être préparés psychologiquement. Et ils ont trouvé ça dur en maudit. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde passe par le même chemin. Plus il y en a qui passent, plus pour les autres ça devient facile. C'est bien que ce soit comme ça. Alors, est-ce que c'est nécessaire de savoir si notre double a eu un contact avec nous? Non. Est-ce que c'est nécessaire de savoir que Dieu vous a touché un jour avec sa baguette? Non. Oui, mais si je le saurais, tu l'apprendrais, tu serais content, tu t'enorgueillirais, tu deviendrais orgueilleux de l'avoir eu, et tu ralentirais la négoïsation. Ce n'est pas important. Je peux dire à une personne, bon, dans un séminaire PMC1, il y a certaines personnes où on les oblige carrément à prendre conscience de leur ajusteur de pensée. Ils en prennent conscience plus ou moins violemment, bon, parce qu'il faut m'en donner, ça transperce l'ego pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ce qu'ils parlent, c'est parfait. Certaines personnes. Mais après ça, ils vont oublier et c'est parfait. Mais ils se rappellent un peu vaguement. Je ne sais plus trop si c'était ça ou pas ça. C'est ce qu'il faut. Parce que sinon, l'humain s'attache tellement à la mémoire de ce qu'il a vécu qu'il se coupe de ce qu'il pourra vivre. C'est important de faire attention. Alors, est-ce que c'est... Bon, comment savoir si... Ne sachez pas. Vivez. Vous apprenez des choses ce soir. Vous perfectionnez des choses au niveau des énergétiques ce soir, parce que les conférences sont énergétiques, et c'est d'ailleurs plus important que le phénomène du vocabulaire. C'est pourquoi de temps en temps, je parle suffisamment vite pour empêcher les intellects de me suivre. Et c'est juste important de savoir des choses. Quand on sort de la conférence, on peut en parler un petit peu, mais on n'en parle pas trop. On applique. Observez-vous, anégoïsez-vous. Si ce que je dis est tout à fait stupide, en étant anégoïque, de toute façon, vous allez être mieux que vous êtes là. Alors, en partant, c'est déjà mieux. Parce qu'on ne prend pas ce que je dis comme du cash, faites-le. C'est simple. Je dis pas ça pour qu'on me croie. Merde, je dis ça pour qu'on le fasse. Si j'ai bien compris, tu t'anégoïses, cette énergie est récupérée par le corps vital. Je suis fatigué souvent. Cela veut-il dire que je gonfle mon corps astral au détriment du vital? Dépendant de l'ego de la personne, elle peut gonfler son corps astral, elle peut vouloir trop comprendre, donc elle se prend trop sérieux. Et en plus, il se peut simplement que, par le fait que le corps de l'homme a vu une mutation neuronique et endocrinienne dans la période de transition entre l'homme ancien et l'homme nouveau, cette mutation nécessite énormément d'énergie. Demandez à la mère qui est en train de porter un enfant, elle n'est pas aussi en forme, mais l'enfant est en forme. Alors, lorsque l'être humain vit cette mutation, nécessairement le corps mange un peu la claque. C'est naturel. Prends patience. Ceux qui parlent à leur double et qui disent que ça répond ou que ça dit telle ou telle chose, sont-ils manipulés astralement? Ils sont manipulés astralement, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui se disent ce qu'ils devraient dire. Ils ont besoin absolument de passer par un intermédiaire, alors ils le créent. C'est comme si... Au lieu de dire l'homme doit être son seul maître, je dis on me dit que l'homme doit être son seul maître. Ça permet à l'ego de rester ce qu'il est, médiocre, d'avoir l'impression qu'il est l'élu d'une entité quelconque, alors que l'entité c'est lui, mais il le refuse. N'ayez pas peur d'être vous et de parler en votre nom. Ne citez pas. Vous comprenez une chose que quelqu'un a dit ou écrit? Ne le citez pas. Si vous le comprenez, c'est vous qui le dites. Si vous ne le comprenez pas, ça ne vaut pas la peine de le citer. Quand ça parle dans notre tête pour nous faire dire des choses, c'est une manipulation soit des maîtres, soit des forces d'évolution ou de stagnation astrale ou d'involution du monde de la mort. Ou bien, c'est simplement un contact avec son ajusteur de pensée, un toucher avec son double éthérique, mais on le refuse, alors on préfère imaginer la voix qui nous parle. Ça vient chez nous, on le transmet là, ça parle, on le réfléchit, on va le lire, et maintenant qu'on l'a entendu, on peut le savoir, le connaître. À un moment donné, il faut juste faire la transition pour que ce soit nous qui le disions. Si on ne peut pas la faire, c'est que le pauvre cave qui nous parle provient des mondes de la mort, du monde astral. On n'a pas besoin de lui. La personne de son vivant, elle ne sait pas tout. Une fois morte, elle peut tout venir vous dire. Ben voyons donc. On n'a qu'une vie, non seulement pour nourrir notre double, mais pour achever la fusion. Même Lazare a eu besoin du Nazaréen. Autrement dit, qu'on ait 0% ou 95% au niveau du monde de la mort, on se dissout. Est-ce réaliste la fusion en une vie? La fusion en une vie, ce n'est pas réaliste. C'est pourquoi vous avez passé plusieurs vies sur la planète. Là, maintenant, il est temps qu'on finisse. Est-ce anégoïque de percevoir que l'on n'a pas besoin des séminaires pour avancer? Ça, ça vous regarde. Est-ce que le travail avec les cristaux de quartz ou les portées peut favoriser la descente d'énergie? C'est très facile de le tester. Abandonnez ces cristaux pendant 3-4 mois. Si vous en souffrez, abandonnez-les à jamais. Vous en êtes l'esclave. Sinon, continuez à vous en servir et faites souvent abstinence. Si vous en souffrez, vous êtes devenu l'esclave, c'est le temps d'abandonner. Vous venez ici au centre. Vous ne vous sentez pas coupable de pas venir. Vous continuez à venir. Un soir, ça vous tente pas, puis vous savez plus, puis vous, venez plus. On ne doit jamais faire d'un chemin d'évolution une drogue. Il y a plusieurs techniques qui fonctionnent, ça marche. Lorsqu'on en est rendu assujetti, elle nous amène à un niveau, elle ne peut pas nous amener plus haut, puis si on est pogné avec, on peut plus aller plus haut. On y va, on l'abandonne, c'est pas trop pire. On continue, on l'abandonne, on souffre un peu, c'est elle qui maintenant veut nous conserver. Ça paraît bizarre de dire que les cristaux de quartz vont vouloir vous conserver. Non, c'est l'expérience mémorielle que vous avez chez vous qui crée une sécurité, qui veut faire en sorte de continuer à conserver ce chemin au nom du fait qu'il a marché. Peut-être qu'il est maintenant épuisé. C'est simple, testez-le vous-même. Demandez jamais à quelqu'un si c'est temps d'arrêter ou si c'est bon ou pas bon. Faites le test. C'est devenu une drogue, c'est plus bon. Tant que ça va, employez-le. Alors que l'amour intelligent est non sélectif, lorsque vous ôtez leur karma à ceux qui sont près de vous et que d'autres auront à le porter, c'est un amour très sélectif. L'amour nouveau aime-t-il vraiment d'une façon non sélective? L'amour intelligent aime d'une façon non sélective. L'amour nouveau, l'amour, c'est nouveau dans la conscientisation de l'homme, mais c'est pas de l'amour nouveau. Ça a toujours été l'homme, mais l'homme n'a jamais voulu en entendre parler. Parce que l'homme veut le contrôler, puis l'amour, ça ne se contrôle pas. C'est effectivement absolument non sélectif. Lorsque l'on dit qu'une personne qui s'approche d'un humain ou une personne qui perd un peu de karma, et c'est l'autre qui l'a, ce qui arrive souvent dans les familles, on a une personne qui marche bien, qui va bien, et l'autre, le frère ou la sœur, ça va pas aussi bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Lui supporte plus de karma pour permettre à l'autre de fonctionner. C'est comme ça que ça marche. Une famille a un handicapé, l'autre en a pas. L'handicapé supporte le poids de l'autre, et c'est comme ça que ça marche. On a des sociétés sociaux, des chômeurs, du monde qui ont des petits salaires, ça accumule un karma, ça le supporte, et ça permet à d'autres de faire fonctionner la société dans un autre plan. On va dire ces chiens, non. Ce sont des fonctions qui doivent être faites. Le pissenlit a autant de fonctions biologiques que le grand chêne, mais le grand chêne va vivre plus longtemps que le pissenlit. Et il va vivre plus grand, plus gros, etc. Mais c'est correct, c'est de l'amour non sélectif. Et si l'amour serait sélectif, il dirait, tiens, lui, j'aime pas la face, il va être alcoolé, il va être violent. Non, c'est absolument pas ça. Recomprenez ceci. Il y a des choses qui doivent être faites. Il y a des choses qui doivent être faites. Il y a de l'air qui doit être respiré. Mais pour qui va déterminer que ça va être une personne ou une autre qui va respirer cet air-là? Rien. L'air, il est là. L'humain chemine, les conditions se font. J'expliquais la semaine dernière que vous ne pouvez pas accélérer votre évolution. Mais par contre, l'évolution qui vous habite peut s'accélérer. Vous ne pouvez pas changer un iota sur votre vie. L'âme n'a pas assez de libre arbitre pour ça. Mais toute votre vie peut changer. Placez-vous dans une condition d'attente active, soyez disponible. C'est un peu la même chose. Celui qui ramasse le karma, c'est parce qu'il est passé là. Et il a ramassé le karma. Mais il n'y a pas une sélection qui s'est faite. On lance quelque chose dans les airs, ça tombe et on s'en va. La personne qui le reçoit sur la tête, ce n'est pas nous autres qui l'avons choisi. Elle passe par là, elle voit la chose, elle ne comprend pas c'est quoi, elle regarde, trouve ça beau, paf, elle l'a dans l'œil. Il m'est difficile de comprendre les plans de la mort, le ciel, les cieux, l'éternité, la réincarnation, car toutes ces choses sont assujetties au temps. L'homme peut-il vivre dans deux temps en même temps? Merveilleux, merveilleux. L'énergie supramentale est presque intemporelle, presque. Elle est encore assujettie à la mémoire parce que l'énergie supramentale, c'est de l'intelligence galactique mémorisée. Blablabla. L'homme est assujetti au temps, effectivement, sauf que l'homme transcende de plus en plus le phénomène du temps. Vous savez très bien qu'un instant, un moment de votre vie peut passer très rapidement. Mais l'heure va continuer à la même vitesse, mais vous, vous allez avancer rapidement dessus. À un autre moment donné, ça peut passer très, très lentement. Et il se trouve que une personne sur la planète voit une heure passer en 5 minutes. Et un autre voit une heure passer en une journée. Elle a l'impression que c'est le même temps. Il y a des choses, bon, en septembre, on revient avec des conférences où on va justement parler de ce phénomène du temps. On en a parlé un peu ces derniers temps. Le temps n'existe pas, le temps est une illusion. On va en parler très brièvement maintenant. Quelle heure est-il? Il est 22h36 minutes 32 secondes sur ma montre. Alors, je peux dire, oui, mais maintenant, il est 38 secondes. Donc, le temps avance. Non. Le temps n'a pas bougé. La chose s'est transformée. Le passé n'a jamais existé. Vous pouvez dire, oui, mais il a déjà été. Il a déjà été, prouve-moi-le. Ah oui, non, mais tu sais, je ne le sais pas. Alors donc, prouve-moi-le. Vous ne pouvez pas le prouver. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, le temps existe dans la mémoire de l'homme, mais cette mémoire du passé, elle n'est pas dans le passé, elle est dans l'instantané. Et l'homme fouille dans l'instantané pour aller chercher l'illusion d'un phénomène passé. Le temps, c'est quelque chose qui existe, une densification d'énergie. Cette densification crée l'illusion mémorielle d'une continuité rétrograde, le passé, ou d'une continuité avant, le futur. L'illusion. De l'illusion. Le rôle de l'homme, c'est de faire en sorte de bloquer l'expansion évolutive de notre univers. Cela veut dire qu'un jour, l'homme, lorsque l'homme aura fait sa fusion avec son double éthérique, l'homme transcendra certains mondes hiérarchiques. On l'a vu dans une conférence sur la souffrance, l'intelligence de la souffrance. Et l'homme va s'en aller dans une région qui n'existe pas parce qu'elle n'a pas de temps. Elle est gestative de cette création. J'appelle cela la supra-énergie parce que c'est elle qui engendre l'énergie. Elle est la gestative des dieux. Elle est en dehors de ses paramètres spatio-temporels. D'ailleurs, l'aide de notre création est limitée par 13 dimensions, dont les 4 que nous connaissons présentement, le temps, la longueur, la largeur et la hauteur, que nous pouvons fusionner depuis Albert Einstein en une dimension, l'espace-temps. Le temps n'existe pas. L'homme se sort du temps en se sortant de l'illusion mémorielle de sa condition cristallisante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'avez plus aucune mémoire, c'est ce qui va arriver à l'homme. Présentement, dans l'actualité des choses, si vous n'avez plus de mémoire, ben vous êtes assis là, puis vous faites rien, vous savez pas que vous vivez, vous êtes un mort vivant, un zombie. Quand l'être humain a le contact avec son double éthérique et avec son ajusteur de pensée, il a une condition de savoir instantanée. Il n'a plus besoin de mémoire, il sait. Si vous n'avez aucune mémoire, vous ne pouvez pas connaître le temps. Je regarde la montre, il est 0,2 secondes, maintenant 0,4. Mais le 02, je l'ai jamais connu. Il y a une peuplade sur la planète. Une seule peuplade. Qui, dans son langage parlé, n'a aucun verbe au passé, aucun verbe au futur. Ce genre d'homme n'est pas mieux que nous. Nous sommes mieux avec nos problèmes spatio-temporels. Parce qu'un jour, nous les réglerons. Eux vont y arriver. Oh, c'est assez problème. Ils ne peuvent pas dire, je serai là. Ils ne peuvent pas dire « t'aurais dû venir ». Ça ne se dit pas. Ça se dit « t'es là, t'es pas là, je suis là, je suis pas là, mais je peux pas être là, ça n'existe pas ». S'ils ne le parlent pas, ils ne le pensent pas. Le temps pour eux n'existe pas. Montre-leur la montre, ils vont dire « tiens, il est ça, tiens, il est ça, tiens, il est ça ». Il ne faut rien dire d'autre. L'homme se libère du temps, l'homme se libère de ses conditions spatio-temporelles, densifiantes, mais c'est des choses sur lesquelles on va revenir en automne, en septembre. Bon, je fais des conférences sur vidéo. Intéressant. C'est du temps mémorisé, n'est-ce pas? Il y a 3h30, 3h15 de conférences enregistrées qui vont être diffusées sur écran géant. On va dire donc, c'est la preuve que le temps existe. Regarde, ce sont des choses du passé que tu as faites qui vont passer vendredi prochain. Non. Ce sont des choses mémorisées instantanément sur une cassette. Et cette cassette, elle reste instantanée avec nous. Si la cassette commence à s'en aller dans le passé, il n'y a plus de cassette. Donc, vous allez dire que tout ce passé est instantanément présent sur la cassette. Preuve qu'il n'est pas dans le passé. Et pour pouvoir y avoir accès, on devra passer chaque millième de seconde en même temps que l'instantané. Et ça va donc prendre lutter dans l'illusion de la conscience mémorielle de l'homme 2 heures pour pouvoir connaître ce que la cassette contient instantanément. Elle a 2 heures instantanément chez elle. L'homme, dans sa condition expérientielle temporelle, devra lui passer l'illusion d'un déplacement dans la matière et dans le temps de 2 heures pour avoir accès à ce que la cassette a instantanément. Grosse illusion dans le temps. Présentement, l'homme en a besoin, mais c'est évident que l'homme s'en sort. L'imagination est-elle l'outil de la compréhension de l'univers, la seule que ce soit créée elle-même? Non, l'imagination est une condition stagnante, temporalisante, supportante, béquillante, béquille, un placebo, une pilule de sucre, donnée à l'homme pour que l'homme puisse, pendant qu'il n'a pas ce savoir instantané, conserver l'illusion qu'il a au moins un savoir réfléchi, peut tripoter des choses imaginées. Une grande partie de l'imagination provient du vomissement des connaissances mémorielles de l'astral dans la tête d'une personne, et celle-ci, par orgueil, pense que c'est elle qui pense. Moi, j'ai plus d'imagination que toi. C'est possible. C'est pourquoi tu souffriras plus dans ton évolution. Avant de se vanter, il faut faire attention. Quelle est l'utilité des pluies torrentielles de ces dernières semaines? Laver. On a assisté dernièrement à une pluie tropicale. Ceux qui ont déjà assisté à des pluies tropicales ont reconnu ici une pluie tropicale, avec des grandes vagues d'air mouillé qui se promènent sur les toits, dans les rues. C'est réellement une pluie tropicale. Pour avoir l'eau comme on a eu ici, ça, on connaît ça fréquemment là-bas. Bon. L'hiver dernier, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant ici, mais les vents chauds qu'on avait, ils nous provenaient du nord. Et les vents froids venaient du sud. Ça ne s'était jamais vu. Il y a énormément de changements. Il y a des axements planétaires de quelques degrés, qui est normal, qui se répète à quelques millions d'années, qui lentement y va, bon, quelques degrés. Et on a un paquet de changements au niveau des conditions ozonifiées de notre planète. Il y a une mutation qui se passe. Les pluies qu'on a eues, ben, c'est des pluies qui servent à quelque chose, elles servent à laver. Il y a une raison ésotérique à ces pluies, une raison symbolique à ces pluies. Non, mais étant donné que les pluies, ça lâche, profitons-en. L'air est beaucoup moins pollué, l'air est beaucoup moins acide, les rivières sont plus, soit. Il n'y a pas de raison réellement ésotérique. C'est comme si vous me demanderiez, pourquoi y a-t-il le pissenlit qui pousse sur mon balcon? Et moi, je répondrais, ôte la terre sur ton balcon, il n'y aura pas de pissenlit sur ton balcon. Et une personne peut dire, c'est parce qu'il faut que tu manges du pissenlit. Ouais, OK. Il pleut. Parfait. Profitons de ce qu'il tombe. Il ne faut pas chercher la raison symbolique. Si vous avez des accidents, il y a une explication. Chaque événement a une raison d'être. Pas une symbolique. Une raison d'être. Une attente active explique. Tu es dans une attente active, mais je comprends pas le mot. Tu tout le monde se mettre à faire des conférences. Mais vois-tu tout le monde? Je leur lis? Non, l'attente active, c'est pas venir s'asseoir sur une chaise ici puis faire des conférences. L'attente active, c'est exactement, c'est juste d'être prêt. D'être prêt. C'est exactement comme si vous aviez, vous vous dites, un jour, je vais faire un voyage. Oui, ça c'est de l'espoir. L'attente active, qu'est-ce que c'est? L'attente active, c'est très simple. Mettez de l'argent en banque pour faire le voyage. Vous ne faites pas le voyage, mais vous avez tout pour le faire, il manque quelque chose. Voilà. Si un jour vous avez à faire le voyage, il y aura un petit changement dans votre vie, vous avez le temps, vous avez l'argent et vous ferez le voyage. C'est ça l'attente active. L'attente spirituelle, c'est de vouloir aller à Tombouctou, assis dans son salon sur une chaise, attendre que le Boeing se pose en avant. C'est l'attente spirituelle, l'espoir d'être sauvé, j'espère qu'il va venir. L'attente active, c'est ceci. Je sors sur mon balcon, puis j'attends. Je descends dans la rue, j'ai comme le feeling que c'est sur le Mont-Royal, j'y vais. C'est pas là, je me suis fait fourrer. Pas grave. J'ai comme, allez. Mettez-vous disponible. L'attente active, on en a parlé extrêmement la semaine dernière. Petit référé. Le message que l'on me fait ici, c'est que l'on me dit que le docteur Raymond Messier est présentement ici au centre, l'auteur du livre « Changer ou crever ». Et si les personnes veulent le rencontrer pour jaser un petit peu avec lui, il va être disponible pour cela. Et aussi peut-être pour autographier son livre. C'est intéressant. La tentative, ben c'est un peu ça. Le docteur Raymond Messier vient ici. Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller le voir? Aucune idée. D'ailleurs, lui, il n'en souffrira pas. Est-ce qu'il y a des gens qui y vont? Aucune idée. Il est disponible. Est-ce qu'il fait ça tout le temps? Non, jamais. Mais à un moment donné, ben, ça se donne comme ça. Vous êtes venu ici ce soir, certains pour la première fois. C'est ça, la tentative. C'est tout à fait différent de celui... Bon, j'ai rencontré un prêtre dans un pays sous-développé dont le clocher est en train de tomber. Et le prêtre, il me dit... Non, moi, je lui demande simplement, toi, est-ce que tu es un prêtre qui demande aux fidèles de prier? Oh oui, oh oui, oh oui. Prier pour être guéri? Ah oh, oui, oh oui. Prier pour que le clocher se répare? Ah oh, oui. Ça marche-tu? Je leur demande de prier après avoir travaillé. Ça marche mieux. Alors, une fois qu'on a travaillé sur le clocher, on prie pour pas que ça retombe. Une fois qu'on a pris les médicaments, on prie pour guérir. C'est ce qu'il fait. Et c'est exactement ça, la tentative. Tandis que celui qui est assis et qui prie, mon Dieu, faites que... Ça, c'est de l'attente. Celui qui... Voyons donc, il faudrait que ça marche à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'actif. C'est pas le temps. Et le cadre, il est là, puis il travaille parce qu'il veut que ça vienne. C'est pas le temps! Ce n'est pas le temps! Le gars qui crouse, la fille qui crouse, elle veut rencontrer un homme nouveau, une femme nouvelle. C'est pas le temps! Là, t'es dans l'actif, t'es pas dans l'attente active. T'es chez vous, pis t'attends que la femme nouvelle, l'homme nouveau comme chez vous, t'es dans l'attente. Faut être disponible, faut être dans des lieux, faut se déplacer, faut cheminer sur l'attente active. C'est l'un des points les plus fondamentaux de l'évolution de l'homme. On en a jamais parlé dans l'Antiquité. C'est l'un des points qui un jour devrait être compris. Qu'est-ce que c'est que l'attente active? Bouddha s'est essayé la voie du juste milieu. Mais le juste milieu est assujetti à la gestion émotive de l'homme. Le juste milieu, c'est comme je fais. C'est ça que tout le monde dit. Alors moi, je chauffe à 150 km à l'heure, tu sais, mais pas plus que ça, c'est exagéré. Ça, c'est le juste milieu. Il y en a un autre, mais moi, c'est à 70, tu sais, parce que, tu sais, 100, c'est bien trop vite. C'est le juste milieu. Hein? Le juste milieu d'une cigarette, c'est combien par jour? Celui qui en prend 2, c'est 2. Celui qui en prend 15, c'est 15. Celui qui en prend pas, c'est pas pantoute. Bouddha s'est essayé, mais il a manqué son coup. L'attente active, c'est un point fondamental. C'est simple. J'ai déjà expliqué, prenez juste les deux mots. Attente active, allez-vous-en avec ça. Faites juste les faire tourner dans votre tête. L'énergie du mot attente active va vous donner, vous allez savoir ce que c'est. Pas nécessaire, j'en parle plus. Écrasez-vous puis dites-vous, c'est quoi l'attente active? C'est deux mots apparemment antagonistes. Mais ça court-circuite le cerveau, puis ça amène quelque chose comme un courant dans la tête de l'homme. L'attente active, c'est la solution. Être disponible. La perception occasionnelle de l'énergie m'amène à comprendre et à accepter l'évolution. Quand cette perception me quitte, l'ego devient avide et s'ennuie de cette présence. Pourtant, l'ego n'a rien à voir là-dedans, puisqu'il n'est que le résultat du travail de cette énergie. Alors, comment expliquer et comprendre la souffrance de voir l'ego s'accaparer de l'évolution sans pouvoir rien y faire? C'est simple. Premièrement, l'ego expérimente le contact. Donc, il l'a en mémoire. L'ayant en mémoire, il vit une sécurité. Enfin, il y a quelque chose qui marche. Quand la chose qui marche ne marche plus, ben là, l'ego, il retombe insécure. Comprenez. Vous êtes sécurisé par un livre traditionnel. À un moment donné, l'intelligence, votre esprit vient vous donner des choses. Le livre, on le met de côté, et puis là, on se met à marcher. Et puis l'intelligence explique le problème de la tradition. Elle est bonne pour ceux qui en ont besoin, mais elle est traditionnelle, donc elle n'accepte rien de neuf. Et puis après un laps de temps, l'ego commence à penser, ça a de l'allure, c'est le neuf. Là, l'intelligence se coupe, soit parce que votre cerveau a besoin d'un break, soit parce que l'ego devient trop sécure, trop orgueilleux. Ça coupe. Et là, vous avez plus la béquille, puis l'autre cave en haut, il est parti. Comment voulez-vous que l'ego se sent? Il souffre. Alors, on va dire, oui, mais en attendant, le mental observe la souffrance de l'ego puis trouve ça con. Soit, c'est parfait, ça ne regarde pas le mental. L'homme doit s'anégoïser et c'est de cette façon, l'une des façons de l'anégoïsation de l'homme, c'est comme ça. On vous monte, puis on te lâche lousse. 5. Et puis après ça, quand tu finis par te dire, bah, puis merde, dans l'évolution, Là, on commence à te reprendre. Puis je dis, ah, ça va pas recommencer. C'est où ça recommence. Et puis là, quand bon, ben là, là, ce coup-ci, je me ferai plus avoir. Ah! On t'abandonne. C'est pour ça qu'il faut pas se prendre au sérieux. Je répète, le docteur Messier est en bas. La semaine prochaine, conférence, c'est la vérité sur la jeunesse. La semaine d'après, attention aux émotions. Et la semaine d'après, je reviens en personne. Faites attention à la pluie. Excusez-vous. Merci beaucoup, Daniel.